Drogue et conscience, voilà le sujet que je désire aborder à présent en compagnie d'Olivier qui revient pour une seconde fois discuter avec moi dans le cadre de cette chaîne YouTube. Alors bonjour Olivier. Bonjour David, ça va bien? Oui, très bien, toi? Ben oui, merci. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, avant d'aborder le sujet de la drogue et de la conscience, j'aimerais rappeler aux gens qui nous écoutent là, tes coordonnées. Donc, toi, tu as un site web. Oui, j'ai un site web, www.olivier-poulain.com en minuscule. J'ai également une adresse courriel que vous pouvez me contacter si vous avez des questions ou des commentaires constructifs à faire sur l'entrevue ou sur les différents sujets que nous allons avoir abordés aujourd'hui. Donc, mon adresse courriel, c'est opoulain.pt@commercial.gmail.com qui sera mis là, dans la tâche de description là, sous la vidéo. Exactement. Sinon, on peut mentionner aux gens qui les écoutent présentement que tu es une personne qui fait du coaching. Oui, j'ai ma compagnie de coaching en performance et régénération. Comme j'avais mentionné un petit peu plus en détail dans l'entrevue précédente, j'aide les gens à retrouver un équilibre physique, psychologique, psychique dans leur vie pour qu'ils puissent ultimement aller le plus loin possible dans leur développement, dans leur plein potentiel. Si ça vous intéresse de savoir un peu ce que je fais, je vous encourage à écouter l'entrevue que nous avions faite là, il n'y a pas longtemps. Oui, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur cette chaîne YouTube de David L, qui vise entre autres à présenter des entrevues avec différentes personnes qui gravitent dans le domaine de la conscience. Exactement. Donc, voilà pour les coordonnées pour les gens qui éventuellement voudront rentrer en contact avec toi. Et à présent, bien c'est sûr que c'est un plaisir pour moi d'aborder pour la première fois la question de la drogue et de la conscience. Oui, je pense que ça va être intéressant parce que c'est souvent un sujet qui est très tabou puis qui est rarement exploré dans un domaine objectif. Fait que je crois qu'on pourra peut-être. On sait pas de pantoute de quoi qu'on va parler, mais je pense que la conversation devrait être intéressante ce soir. Oui, tout à fait. Mais c'est sûr que dans un premier temps, on peut définir les concepts qui vont être abordés. Donc, lorsqu'on parle de drogue, de quoi qu'on parle? Je pense qu'on peut parler de n'importe quel. J'aimerais ça qu'on parle de drogue, mais aussi du phénomène de l'addiction, puis d'essayer de comprendre l'aspect plus occulté ou plus subtil de ce qu'est l'addiction. Puis on pourrait parler aussi des substances, puis de leur impact là, au niveau de la psychologie, du système physique, puis du système psychique également. Oui, exactement. Mais dans le concret, on peut dire qu'une drogue, c'est quelque chose qui modifie le fonctionnement psychique habituel. En effet. Donc, on peut parler d'amphétamine, on peut parler de cocaïne, on peut parler de morphine, on peut parler de différentes substances. Ça peut être aussi des médicaments, si on pense au Valium pour le sommeil. Donc, des substances qui modifient le fonctionnement psychologique habituel de l'individu. Ouais, en d'autres mots, qui amène dans une conscience altérée. Exactement. Et pour ce qui est de la conscience, là, ça va être intéressant aussi de définir ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites à son sujet. En effet. Donc, c'est sûr que de mon côté, si je définis la conscience, je dirais que c'est une présence qui peut être générée lorsque l'individu est capable d'observer des choses. Et également être capable, et là on tombe dans le plus le supramental, là, c'est-à-dire d'être capable d'émettre une vibration qui lui donne accès à une intelligence créative. Exactement. Quand on regarde la drogue, je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a un retour relativement important dans l'intérêt des drogues qui amènent à des états de conscience altérés. Tels que le phénomène de la légalisation de la marijuana aux États-Unis puis au Canada qui s'en vient tranquillement pas vite, le phénomène des drogues psychédéliques, les psychotropes comme les champignons magiques, le LSD, MDMA, la kétamine, Puis si on va en Amérique du Sud, l'ayahuasca, qui est un mélange de deux plantes qui ont été utilisées dans les tribus amazoniennes pendant plusieurs milliers d'années. Puis ce que je pense qui va être intéressant de parler par rapport à ces substances-là, c'est de leur impact. Parce que moi, j'en conviens pour avoir utilisé des drogues longtemps dans ma vie, puis d'avoir eu beaucoup d'expérience par rapport à ces domaines-là, dans l'expérience directe, puis en ayant côtoyé des gens qui ont été en équilibre avec l'utilisation de drogue, mais aussi en déséquilibre, peut-être leur effet qui peut être constructif pendant une période de temps, mais aussi leur effet insidieux et destructif à long terme. Et explorer les différentes nuances là, sans étiqueter une substance comme étant bonne ou mauvaise. Oui, c'est ça, regarder l'impact objectif que peuvent avoir justement ces différentes substances sur l'individu. Exact. Donc, c'est sûr que ça va être des conversations extrêmement intéressantes, étant donné que pour la première fois sur cette chaîne, il va être question de drogue et de conscience. Exact. Donc, c'est sûr que ça peut être intéressant de commencer par rapport à ton vécu en relation avec la drogue. Ben oui, moi dans le fond, dans ma jeunesse, j'ai jamais été très attiré par des substances qui altéraient ma conscience. J'ai commencé à utiliser la marijuana un petit peu plus, comment je dirais ça, quotidiennement lorsque j'avais 21, 22 ans, puis j'y voyais grandement des bienfaits parce que ça me permettait de vraiment lâcher prise, de me relaxer, d'être plus créatif, plus léger, si on veut, dans mon état d'être intérieur. J'ai pu aussi apprendre, moi étant une personne qui, dans le passé, était très, très, très, qui avait un gros ego, qui prenait les choses très sérieusement, puis qui avait une attitude assez prenante dans la vie, ça m'a aidé à débarquer puis à me mettre un petit peu, à me rendre plus tranquille, si on veut. Mais j'ai pu voir avec l'utilisation, ben pas quotidienne, puisque j'ai pas fumé tous les jours là, pendant longtemps, mais j'ai quand même eu 2 ou 3 ans faciles où ça faisait partie de mes habitudes de vie de fumer de la marijuana. Puis j'ai pu découvrir avec le temps l'effet que ça pouvait avoir au niveau de la conscience, parce que on a l'impression que ça nous ouvre, que ça nous fait voir des choses que normalement n'ont pas accès. Puis c'est dur d'expliquer le phénomène insidieux et négatif de cette substance-là lorsque on la regarde d'une façon psychologique, parce que si on la regarde d'une façon psychologique, ça semble très constructif. On a plus le goût de rire, on apprécie plus la nourriture, les relations sexuelles sont améliorées. On est plus détendu. Moi, je trouvais que je respirais mieux, je performais mieux quand je faisais de l'exercice physique. J'appréciais plus le contact avec la nature. Mais éventuellement, si l'individu qui consomme cette substance-là n'a pas accès à une conscience un petit peu plus avancée, il ne peut pas reconnaître que ça place un voile qui est très subtil sur la conscience qui empêche l'individu d'aller plus loin dans le développement de sa conscience. Ça le met comme dans une espèce de bulle qui semble être une belle bulle, une bulle très spirituelle, très peace and love, mais en réalité, c'est une bulle qui est malheureusement, qui doit être percée avec le temps. Puis une fois qu'on perce cette bulle-là, c'est là qu'on réalise que, essentiellement, cette drogue-là peut avoir un effet contre-productif dans l'évolution de la conscience. Par contre, en aucun cas, je dénigre ou je dis que le comportement d'utilisation de n'importe quelle substance devrait être aboli ou que c'est pas bon. Je fais juste partager mon expérience, donc prenez-le comme ça vous convient. Oui, je comprends ta perspective. Et selon toi, est-ce que la consommation de marijuana ou d'autres substances qui altèrent le fonctionnement psychique peuvent permettre à l'individu d'accéder à la conscience supramentale? De la façon que je le vois aujourd'hui dans ma vie, malheureusement, je pense pas que ça a la possibilité de faire accéder à la conscience supramentale parce que la conscience supramentale, ça n'a rien à voir avec une conscience spirituelle de qualité noble ou de bienfaits, des bienfaits dits positifs là, au niveau là, de la compassion, puis de l'amour, puis tout ça. La conscience supramentale, c'est une conscience claire, une conscience objective, qui est en aucun cas lié avec aucun mouvement spirituel ou mouvement d'ego. Selon moi, c'est quelque chose qui nous habite. J'aime pas ça dire qu'on serait marqué pour ça, parce que ça tente de dire que certaines personnes sont élues, d'autres ne le sont pas. Mais quelqu'un, moi, je vais vous donner un exemple, c'est que pour avoir consommé de la marijuana avec d'autres personnes qui la consommaient, j'étais toujours conscient que cette substance-là était une béquille, puis que cette substance-là avait ses limitations, quand en réalité, excusez-moi, quand que je voyais aussi autour de moi que certaines personnes ne juraient que par ça, puis que pour eux, ça allait être une utilisation pour le reste de leur vie, là, puis qu'ils ne voyaient que des bienfaits positifs. Moi, je me rappelle les premières fois que j'ai commencé à fumer ça, je savais que ça allait être un piège. Je savais que c'était une béquille, puis c'est là que. Mais attends une minute, si tu dis que tu savais que c'était un piège puis une béquille, pourquoi t'as fumé? Parce que c'est assez complexe à expliquer, mais c'est dans le sens que on réalise que c'est une béquille, on réalise que c'est pas nécessairement constructif, mais en même temps, il y a une pulsion en nous qui nous force à continuer pour finir. Pour aller à la conclusion de cette expérience-là, pour qu'elle soit effacée par elle-même. Puis encore là, je parle de moi, là. Je pense peut-être que c'est pas ça pour tout le Oui, mais monde. autrement dit, ce que tu me dis, c'est que tu avais besoin de passer par l'expérience concrète pour en avoir la confirmation. Exactement, c'est ça. J'étais prêt à prendre les risques sur ma santé, les risques sur ma psyché, sur ma psychologie, mais je devais aller au bout de cette habitude-là pour la simple et unique raison que si, par attitude, je tentais de l'arrêter, j'aurais jamais eu l'esprit en paix, j'aurais toujours voulu retourner à cette expérience-là de fumer ou de prendre des plantes qui sont psychédéliques. Il a fallu que j'aille au bout complètement de ces expériences-là pour en réaliser leur illusion Mais au niveau de la conscience. oui, je comprends ce que tu veux dire, mais sans pour autant arrêter par attitude morale ou éthique, ce que je veux dire, ça peut être possible tout simplement qu'intérieurement, si tu poses la question, est-ce que c'est de mes affaires de consommer ça? Si ça te dit non, ton esprit dit non, c'est-à-dire ton être, ben, t'en consommes pas. Fonctionner d'une manière purement vibratoire, sans avoir passé par l'expérientiel, donc de manière expérimentale, donc. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, sauf que ça peut être un grand piège parce que faut être extrêmement enraciné puis d'être dans un processus de fusion avancée pour être capable d'être convaincu ou du moins d'avoir une certitude absolue que t'as pas besoin de ça puis de faire attention que c'est pas la peur. Il y a une petite peur bien subtile derrière qui veut pas marcher le chemin de la souffrance, qui veut pas marcher les conséquences qui pourraient être constructives et négatives de l'utilisation de la drogue. Il faut faire attention là, parce que si je demandais en dedans, moi, à Oui. cette époque-là, est-ce que c'est bon pour moi? Ça disait oui. Puis j'étais convaincu que c'était bon pour moi, puis j'avais aucun doute que c'était bon pour moi jusqu'à ce que l'expérience m'amène à réaliser dans les faits, parce que c'est toujours en regardant son passé qu'on voit l'effet destructeur constructif d'une habitude qu'on avait. C'est jamais instantanément. Du moins, je pense pas qu'il y ait grandes personnes qui sont capables instantanément d'éviter l'expérience au point où ce qu'on est rendu dans l'évolution des êtres sur notre planète d'un comportement ou un autre, là, puis pas nécessairement juste lié Mais avec la drogue, là. éventuellement, il faut être capable d'être libre de l'expérience parce que c'est très coûteux dans le sens qu'il y a des gens qui vont se blesser. Tu sais, il y a des gens que ça leur dit intérieurement de ralentir la vitesse de fonctionnement de leur voiture, puis ils sont victimes d'un accident mortel. Ben, la facture est élevée de ne pas avoir écouté le signal intérieur. Ouais, sauf que qu'est-ce qui nous dit que ça fait pas partie de l'expérience de cet individu-là de faire un accident pour qu'il puisse, s'il décide, lors de sa réincarnation, aller un palier plus loin dans son évolution, ou s'il reste en vie, de réaliser que ses comportements passés étaient déséquilibrés. Je pense pas que il y a un certain niveau dans notre vie, il y a certaines choses qu'on est capable de vraiment clairement, vibratoirement être capable de savoir que non. Mais ça prend une expérience qui est suffisamment avancée pour être capable d'en être, pas convaincu, mais d'avoir une certitude absolue que la vibration est juste. Oui, mais le point que je veux en venir, c'est que l'être humain a tout intérêt de passer d'un vécu expérimental à un vécu qui s'appuie tout simplement sur la canalisation d'un savoir intérieur, parce qu'à ce moment-là, ça peut lui éviter de s'exposer à de la souffrance inutile liée à de l'expérimental. Sauf que la seule façon d'avoir une lecture puis un savoir vibratoire, c'est par la souffrance. Il y a un niveau, en effet, minimal d'expérientiel à vivre pour être capable de départager c'est quoi une perception vibratoire, c'est quoi une perception d'une vibration astrale, mentale, c'est quoi percevoir le réel énergétique en lien avec des événements, en lien avec des substances d'ailleurs. Mais par rapport à ça, le point, c'est que à un moment donné, l'être humain qui est tanné de souffrir, il développe une autorité énergétique qui fait que il veut plus perdre son temps dans sa vie. Puis il veut accéder au savoir, puis de vivre en fonction d'une autonomie énergétique qui lui place au-delà de la souffrance liée à l'essai, l'erreur expérimentale. Je pense que ce que tu dis là, ça peut être vu de deux façons. Ça peut être vu dans un mouvement d'ego d'une personne qui a peur de souffrir, qui est tannée de souffrir, ou ça peut être vu dans quelqu'un qui a une conscience absolue, qui est sans doute, de ces mouvements destructeurs. Tu sais, moi, si mettons, je regarde, l'utilisation de la marijuana aujourd'hui, j'en vois aucune utilité de recommencer, mais toutes les fois dans le passé que j'ai arrêté, il y avait toujours un petit léger doute. Puis d'avoir la capacité de détecter le moindre doute qui soit aussi subtil qu'une petite vibration intérieure, ça veut dire que l'individu a encore de l'expérience à vivre pour éradiquer complètement le doute de sa conscience. Si quelqu'un a absolument aucun doute qu'un certain comportement est inutile, je prends comme exemple, moi j'ai pas besoin de m'injecter de l'héroïne pour savoir que j'ai pas la vibration pour m'injecter de l'héroïne. J'ai absolument aucun doute dans ma conscience de ce phénomène-là. Donc je reçois aucune pensée en lien avec ça. J'ai aucune émotion par rapport à ça. Puis c'est une décision qui est claire, qui est tranchée. Mais je pense que sur certains aspects de notre vie, on a la possibilité de trancher comme ça. Puis sur d'autres aspects, on a malheureusement ou heureusement de l'expérience encore à vivre pour vraiment avoir un shift vibratoire intérieur dans nos corps subtils qui nous met en contact avec notre savoir puis qui nous dit, bon, essentiellement, t'as plus besoin de ça, puis il y a pas de doute là. Le doute est éradiqué complètement lorsqu'on est parfaitement en syntonicité vibratoire avec cette énergie-là. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que tant qu'on est en voie d'évolution, on est susceptible de vivre du doute, qui est la résultante d'un manque d'accès à du savoir. C'est le doute, en réalité, est lié à des voiles, est lié à de la réflexion, et est lié à une incapacité d'accéder directement à une vibration réelle qui nous permettrait de trancher. Exact. Puis c'est seulement dans l'action, dans le concret de notre vie, dans les risques qu'on prend, et dans les actions qu'on prend, qui, avec le temps, nous fait voir que, sur certains aspects de notre vie, mettons comme l'utilisation de drogue, par exemple, il n'y a plus de doute dans notre conscience que c'est plus nécessaire pour nous faire avancer ou c'est plus nécessaire pour nous, puis que, on est rendu ailleurs. Mais le problème que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on juge beaucoup, étant donné que la société collective, elle fonctionne à partir d'un mental qui est polarisé, juge que certains comportements sont corrects, puis d'autres sont pas corrects, quand qu'en réalité, si on regarde ça au niveau du plan psychique, il n'y a absolument rien de correct et de non correct. Il y a absolument tout est utile pour amener l'individu vers son évolution finale. Puis, si on regarde ça d'une façon objective, on réalise que il y a des gens qui ont besoin de souffrir terriblement, puis il y a des gens qui ont besoin de détruire leur vie avec la drogue, peut-être pour en venir à éventuellement à un point dans leur vie où ce comportement-là va être éradiqué, que ça va être terminé pour de bon. Mais la plupart du temps, les mouvements des gens qui tentent d'arrêter de consommer certaines substances, mais pour avoir travaillé dans un centre de désintox, je peux vous en parler. C'est beaucoup des attitudes, c'est beaucoup du damage control, là. C'est rarement une fin absolue dans le mouvement de leur addiction. C'est souvent, on remplace une addiction qui les détruit par une addiction qui est moins destructive, temporairement, pour en venir à évoluer tranquillement, pas vite, mais essentiellement, l'être est pas libre de l'addiction, est pas libre de la drogue, parce que pour moi, quelqu'un qui passe de l'alcoolisme à une addiction à fumer un paquet de cigarettes par jour puis à manger du sucre, il est loin d'avoir réglé son problème, là. Non, exactement, c'est un transfert vers d'autres choses. C'est ça. Puis la preuve, c'est que l'être a besoin de passer toutes ces différentes étapes-là dans sa vie et peut-être dans d'autres vies qui vont suivre par la suite. Jusqu'à ce que il aille fermer la boucle complètement sur on peut dire certains cycles, certains karmas, certaines programmations. Quand il a lu complètement sa programmation quand il l'a vu d'une façon objective. Là, il est capable de s'en libérer, mais c'est seulement fait à travers l'action concrète. Là. Ça ne peut pas être fait en pensant ou en réfléchissant ou en se disant intérieurement, non, j'ai plus besoin de ça. Quand en réalité, si quelqu'un était suffisamment sensible à sa vibration, pourrait réellement réaliser que, oh, il y avait encore un petit peu de doute, il y avait encore de la curiosité, il y avait encore un oui, d'un coup qu'il y avait d'autres choses à voir par rapport à ça, tu sais. Il faut que ça soit effacé complètement. Il faut que la crainte puis le doute soit complètement effacé pour que la personne soit libérée de son addiction. Puis ça peut être n'importe quelle addiction, là, t'sais, que ce soit l'addiction à l'alcool, la cigarette, la nourriture, la TV, les médias sociaux. Aujourd'hui, de plus en plus de formes d'addiction qui détruisent des individus. Peut-être pas autant sur le niveau physique comme une substance aussi difficile que la cocaïne puis l'héroïne. Mais quand on regarde des gens qui s'enferment pendant plusieurs heures à l'intérieur de leur maison pour jouer à des jeux comme World of Warcraft, des choses comme ça, par exemple, puis qu'ils se déprivent de nourriture ou ils sont sur des stimulants à longueur de journée, tu sais, c'est des comportements, selon moi, qui sont aussi destructifs, mais qui sont, pour certains, socialement acceptés. Donc, Oui, exactement, faut c'est faire ça. attention, je pense. Oui, c'est Ouais. ça. C'est sûr que socialement accepté, quelqu'un qui fait du workaholisme, donc qui travaille de nombreuses heures, ça peut être extrêmement appréciable pour son employeur. Par contre, ça peut nuire à sa vie familiale avec sa compagne ou ses enfants. Donc, Exact. il y a des situations comme ça, mais c'est sûr que pour ce qui est de la libération des addictions à l'égard de la drogue, et étant donné que tu as travaillé comme intervenant par rapport à ça, est-ce qu'il y a des éléments, selon toi, qui peuvent favoriser l'individu qui vise à se libérer de la drogue? On va parler de l'addiction en général au lieu de OK. parler juste de la drogue, parce que la OK. drogue, ça limite le phénomène. Oui. Mais je crois que la seule façon de se libérer d'une addiction quelconque, c'est de remplacer un comportement par un comportement qui est plus créatif, plus constructif temporairement, jusqu'à ce que l'individu monte les escaliers vers éventuellement une libération absolue de ses comportements, puis une autosuffisance intérieure qui est complète, qui devienne intégrale. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est qu'on peut regarder quelqu'un, puis cette personne-là, ah, regardez, lui, il fume la cigarette, c'est bizarre, il est supposé être conscient, mais peut-être que cette personne-là qui fume des cigarettes, les fume pour balancer ses vibrations temporairement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de ça. Donc, si on est capable de vraiment enlever le jugement dans le comportement de la personne ou de ce qu'elle fait, on peut vraiment voir que chaque âme incarnée dans un corps matériel vit un processus d'évolution, vit de l'expérience pendant un certain nombre de temps jusqu'à ce qu'il puisse intégrer complètement la lumière de son esprit, puis éventuellement se libérer de tous les gonds qui le lient au niveau du plan matériel puis du plan mémoriel. Exactement. Mais de mon point de vue, parce que ça peut être intéressant de faire une étude occulte du phénomène de l'addiction, c'est-à-dire de la dépendance à quelque chose. De mon point de vue, si je fais une étude du sujet, j'en viens à la conclusion qu'on va chercher à travers une dépendance à remplir un vide intérieur qui est lié à cette absence d'accès à l'énergie de son esprit. Donc, lorsqu'on se sent vide parce qu'on n'est pas branché sur sa source, bien c'est sûr qu'on peut chercher à compenser par différents moyens externes un vide qui est lié à un manque d'intégration et de génération créative lié à la manifestation de l'intelligence en soi. Ah, ça, c'est définitif que la seule et unique raison pourquoi qu'on a une population qui est addicte autant qu'aujourd'hui, c'est un manque de contact avec l'énergie créative interne. Sauf que même si certaines personnes ont accès à cette instruction-là, qui connaissent la théorie derrière leur vide intérieur, ils ont quand même l'expérience à vivre pendant une période de temps. Ça peut être une vie, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 mois, mais le mouvement doit être fait dans son propre temps et ne peut pas être forcé, ne peut pas être ralenti, ne peut pas être accéléré. C'est un mouvement qui a un certain nombre de temps avant d'arriver à fructification. Oui, exactement. C'est en fonction du rythme de chacun. Et après tout, les gens ne vivent pas, dans la plupart des cas, des fusions spontanées avec le plan mental. Donc, autrement dit, si Exactement. les gens vivent une intégration progressive de l'énergie, c'est sûr que dans leur processus, ils passeront pas d'un état de vide intérieur et en claquant des doigts à un état de plénitude lié à l'intégration totale de l'énergie de la dimension cosmique de leur être. Non, puis le problème aussi avec ça, c'est qu'il y a de plus en plus, avec le mouvement New Age, puis les mouvements spirituels, un désir de se libérer de la souffrance, un désir de se sentir mieux, puis de trouver une façon plus noble d'être. Mais malheureusement, cette illusion-là est extrêmement grande, puis les gens vont devoir éventuellement réaliser qu'il n'y a absolument aucune possibilité d'accélérer le processus de fusion avec l'esprit par des mouvements d'ego, puis que c'est beaucoup plus simple pour eux. De juste, de jour en jour, confronter les différentes craintes qui peuvent être présentes dans leur mental, avec certains risques calculés, puis éventuellement fonctionner selon un chemin qui est beaucoup plus constructif, beaucoup plus durable, qu'un chemin qui est beaucoup plus vers le réconfort. T'sais. La façon que je le vois, en tout cas au niveau que je travaille, c'est qu'il y a deux types de mouvements dans l'individu. Il y a le mouvement de fuir la peur, fuir l'inconfort, puis aller toujours vers de plus en plus du confort, de la rassurance. Puis souvent, ces gens-là vivent dans des collectifs, dans des familles, dans des regroupements d'individus qui les confortent dans une certaine mécanique psychologique. Puis les gens qui sont tannés d'être prisonniers, qui sont à la recherche, au lieu de se faire sauver par quelque chose ou de se faire réconforter par quelque chose, désirent se libérer. Il peut avoir de l'illusion dans le phénomène de je veux me libérer, dans le sens que moi j'ai tombé dans ce piège-là pendant longtemps en essayant de confronter des peurs, puis en faisant toutes sortes de choses, quand en réalité je confrontais seulement des peurs qui étaient confortables pour moi. Mais en réalité, si on fait juste toujours essayer de se libérer de ce qui nous attache, de ce qui nous rend, qui réduit notre capacité de mouvement, graduellement, avec le temps, on est capable de vivre une vie qui est de plus en plus libre, puis de plus en plus créative, puis on peut devenir plus confortable dans l'inconfort des différents chocs qui se présentent à nous selon notre programmation. Oui, parce que souvent les gens qui ont de la difficulté à composer avec les contrariétés du quotidien vont essayer de geler les souffrances qui s'y rapportent en consommant entre autres de la drogue. Exact. Puis c'est ça, c'est le gros piège, c'est que si on... Ben là, tu sais, je dis ça pour dire ça, là. Mais si on avait jeune l'instruction que la vie, c'est une certaine forme d'opposition, que nous allons vivre des chocs, nous allons vivre des moments de bonheur, de paix, de break, si on veut, mais que si on comprend que la nature de la vie, c'est comme pour nous aiguiser, à nous amener de plus en plus à un plus haut taux vibratoire, ben on voit les coups et les chocs qui nous sont présentés à nous dans notre vie très différemment. On tente pas de s'enfuir, on tente pas de s'anesthésier de ces chocs-là, mais on utilise l'énergie, la mise en vibration des chocs pour nous amener à un plus haut taux vibratoire. Puis c'est vraiment là que l'individu commence à pouvoir croître au niveau de sa vibration. C'est quand il est capable d'intégrer l'énergie des chocs au lieu de les anesthésier. Parce que cette énergie-là, c'est le contact essentiellement avec notre esprit. Si on est capable de l'utiliser, puis transmuter l'émotion, puis transmuter l'état intérieur qui est lié au choc, on peut vraiment en grandir, puis devenir de plus en plus fort, puis devenir de plus en plus inébranlable intérieurement. Puis quand je dis inébranlable, pas en forme d'attitude, mais de se reposer de plus en plus dans notre conscience objective, puis de regarder les choses comme des mouvements normaux. Oui, exactement. Et c'est sûr que ça me fait penser au processus de la mutation psychique, c'est-à-dire la personne qui passe d'un état de personnalité psychologique pour rentrer éventuellement dans sa personne au fil de ce changement intérieur. Donc, quelqu'un qui passe, par exemple, d'une vibration très astralisée à une vibration plus mentale au fil du temps. Exact. Mais par rapport à la drogue, parce que c'est quand même un sujet qui est vaste. Et je ne voulais pas oublier d'aborder avec toi le fait que au Canada, dans quelques mois à peine, donc pour l'été 2018, notre gouvernement du Canada, donc Justin Trudeau, a décidé de légaliser la marijuana. Et j'étais curieux de savoir qu'est-ce que tu en penses. Ben, je pense que ça va être quelque chose qui va amener les gens à vivre une grande illusion pendant une période de temps. Il y a certainement des gens qui vont pouvoir bénéficier de ça. De la façon que je le vois, c'est que si l'industrie de la marijuana devient légale, puis qu'on peut bénéficier des bienfaits de la culture des plantes, parce que le chanvre, c'est une plante qui a beaucoup, beaucoup de potentialité au niveau des pâtes et papiers, des vêtements, de l'isolation, de construction de matériaux pour construire une maison. On peut faire du plastique avec ça, on peut faire toutes sortes de différents produits de consommation qui sont beaucoup plus éco-énergétiques que de couper des arbres, par exemple. Ça, sur cet aspect-là de la légalisation du chanvre, si ça c'est mis en action, je pense qu'on peut grandement bénéficier de ça. Au niveau de la médecine aussi, pour traiter différentes maladies, dont des cancers, le Parkinson, je me rappelle pas de toutes les maladies exactement qui peuvent être améliorées par l'utilisation puis pas par fumer du pot, bien sûr, c'est par différentes concentrations d'huile de cannabis. Je pense que ça peut grandement bénéficier la santé, des citoyens, des citoyens canadiens. Mais l'usage récréatif de cette plante-là, c'est sûr que selon moi, la consommation d'alcool est beaucoup plus détrimentale au niveau du comportement d'une personne que la marijuana, au niveau de la violence, au niveau. Je trouve que c'est une substance qui a tendance à rendre les gens beaucoup plus pacifiques, créatifs et aimants que l'alcool, par exemple. Mais il y a quand même ces effets insidieux. C'est très facile de devenir addict à la marijuana sans penser qu'on est addict. C'est ça le piège. L'alcoolisme, on le sait, tu sais, quelqu'un qui est alcoolique, il est très au courant qu'il est alcoolique. Ben, Les gens ça qui dépend. Il y fument. en a qui font du déni par Laisse-moi rapport à finir. Laisse-moi l'alcool. finir 30 OK. secondes. Oui, il y a des gens qui font du déni par rapport à l'alcoolisme, bien sûr. Mais tu sais, quelqu'un qui boit de l'alcool à tous les jours, qui boit une dose par jour, il sait très bien que son comportement n'est pas nécessairement constructif pour sa santé. Quelqu'un qui fume un ou deux paquets de cigarettes par jour, il sait très bien que la cigarette, c'est pas bon pour sa santé. Mais quelqu'un qui fume du pot ou un ou deux joints par jour, il peut facilement penser que c'est bon pour lui parce qu'il se sent bien. Il est plus joyeux, il est plus créatif, il est plus sociable, il a tendance à plus parler. Mais au niveau du système physique, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup par rapport au cannabis, c'est que on a l'impression qu'il n'y a aucun effet secondaire puis aucun danger à fumer du cannabis, mais n'importe quelle plante ou n'importe quel élément qui intoxique, qui est une neurotoxine au niveau de l'organisme, produit beaucoup d'hormones de stress dans le corps. Moi, j'ai vu quelqu'un qui fumait du cannabis sur une base régulière puis qui allait prendre sa pression artérielle puis était à 140 sur 90 avec un pouls à 115. Quand il est assis, ça veut dire qu'au niveau de la production d'hormones de stress, c'est très, très, très intense et ça a tendance à déshydrater, déminéraliser l'individu, puis sur le long terme, créer une certaine forme de fatigue chronique, un certain mouvement de démotivation. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui. Puis c'est subtil, c'est que la transition vers l'habitude qui est bénéfique vers le négatif, on ne la voit pas arriver. C'est ça qui est insidieux. On a l'impression que ça va bien, ça va bien, ça va bien, puis à un moment donné, on s'en rend pas compte, mais on est épuisé. T'sais, ça a épuisé notre système. Donc, pour ça, puis sachant que pour s'élever en vibration, c'est extrêmement important d'avoir beaucoup de forces vitales qui circulent dans le corps humain, en prenant des substances comme ça, ben c'est sûr qu'on se vide de notre force vitale. Donc, sur le long terme, je pense pas que ça peut être quelque chose de constructif, mais encore là, c'est pas à moi de décider, puis c'est pas à moi de donner une opinion sur ça, puis je pense que chaque individu devra faire un choix conscient par rapport à son utilisation, comme les gens font des choix conscients ou inconscients par rapport à l'utilisation de l'alcool, la cigarette, la caféine, puis toutes ces autres formes d'intoxicants. Oui, par contre, c'est sûr que dans le fond, de t'amener à prononcer sur le sujet, c'est d'avoir ton point de vue personnel là, sur Ben oui. la question. Et c'est sûr que chacune des personnes qui écoutent présentement l'enregistrement peut se positionner d'une manière personnelle à l'égard de la drogue ou de la légalisation de la marijuana. C'est sûr qu'en ce qui me concerne, par contre, moi, de mon point de vue, il va sans doute y avoir des problématiques sociales importantes en lien avec la consommation de la marijuana, étant donné qu'on a eu pendant des années de temps des problèmes liés à de la conduite en état d'ébriété par rapport à l'alcool. Et j'ai l'impression que dans la même optique, on va avoir des problèmes de conduite en état d'ébriété liés à la consommation de marijuana qui peuvent donner place à des accidents, à des morts aussi là, sur la route. Ben, c'est sûr que avec tout le respect que j'ai pour toi, David, j'aurais tendance à dire que tu parles à travers ton chapeau parce que tous les gens, moi inclus, qui conduisaient ou qui faisaient n'importe quoi pour la marijuana, on était toujours plus aiguisés puis plus concentrés que agents. Fait que moi, j'ai jamais vu quelqu'un, dans mon expérience, bien sûr, qui conduisait sur la marijuana puis qui conduisait mal comme quelqu'un qui est intoxiqué sur de l'alcool. Mais l'intoxication peut amener à un état de psychose, c'est-à-dire de perte de contact avec la réalité. Donc, si quelqu'un vit un état psychotique au volant, induite par la consommation de la marijuana, donc une psychose toxique, de mon point de vue, ça peut être aussi dommageable que quelqu'un qui est en état de perte de contact avec la réalité lié à une trop grande consommation d'alcool. Ben, je pense que les risques de développer une psychose par le biais de différentes substances est autant, sinon plus, par d'autres substances qui ont beaucoup plus à tendance à altérer le système énergétique de l'individu que la marijuana, là. Oui, Ça ça dépend peut. bien sûr de la Oui, quantité oui. de THC qui est contenue dans la différente génétique de la plante qu'on consomme. Parce qu'il faut faire attention. C'est comme si on compare. Le pot, c'est pas. Faut mettre ça sur le même panier, là. Il y a des variétés de marijuana qui sont très, très douces, qui peuvent être poussées naturellement à l'extérieur. Mettons quelqu'un, je peux donner un exemple. Lors de la légalisation, une personne qui décide de se faire pousser 3-4 plants chez lui, dehors, avec un engrais biologique, une terre biologique, une génétique qui est de type sativa, qui est beaucoup moins haute en THC que certaines autres génétiques qui seraient plus à tendance indica, va avoir un effet qui est très, très différent que, exemple, quelqu'un qui fumerait un concentré, une huile concentrée au-dessus de 20 à 30 % THC. C'est comme l'alcool. Tu peux prendre de l'absinthe, tu peux prendre de la Molson Dry. Oui, c'est sûr qu'il y a différents dosages. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une bière à 5% de concentration d'alcool et on peut boire aussi une bouteille de vin à 20% ou on peut prendre de la vodka là, à 40% d'alcool. Donc, il y a une échelle, une gradation au niveau du dosage. C'est une gradation au niveau du dosage, puis aussi l'intoxication à l'alcool et à la marijuana est extrêmement différente. Pour ma part, puis pour les gens que j'ai côtoyés dans ma vie, les gens qui fumaient de la marijuana souvent avaient une capacité physique qui était accrue. Ils étaient beaucoup plus présents, beaucoup plus créatifs dans leurs paroles, beaucoup plus ouverts que quelqu'un qui fumait, excusez-moi, qui buvait de l'alcool. Les gens que j'ai vu boire de l'alcool deviennent très léthargiques, ils n'ont pas beaucoup de paroles, ça devient un peu plus down, ça a un effet beaucoup plus down sur le court terme, consommation d'alcool. Selon moi, ça n'a absolument rien à voir. C'est pour ça que je suis très partagé sur ça. Puis je pense que les gens vont réaliser l'impact négatif de la marijuana lorsqu'ils vont en avoir consommé pendant une période de temps relativement grande. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il n'y a pas juste l'effet de la substance sur l'individu, mais aussi l'individu en relation avec la substance. Un des bons communicateurs qui parlait beaucoup des psychédéliques dans les années 80-90, Terence McKenna, disait toujours l'importance de set and setting. Puis ça, moi, je suis 100% d'accord. Si quelqu'un en dépression, perdu sa job, il file pas bien, puis qui fume de la marijuana, ça peut l'envoyer dans un trou noir extrêmement grand. Mais quelqu'un qui fume de la marijuana une fin de semaine, qui est avec ses amis, puis qui sont autour d'un feu, puis qui fait beau dehors, puis qui sont dans le camping, il peut avoir une expérience qui est extrêmement ou une expérience d'ouverture qui est très constructive pour sa perception. En aucun cas, cette personne-là peut s'éveiller avec cette plante-là ou peut accéder à la conscience supramentale, mais selon moi, si on regarde le nid des gens qui consomment du cannabis versus les gens qui consomment l'alcool, c'est vraiment des individus qui vivent différemment, là. Ça n'a absolument rien à voir. La communauté qui est plus orientée vers le cannabis, c'est une communauté qui est beaucoup plus pacifique, beaucoup plus calme, beaucoup plus réceptive. Les gens qui consomment de l'alcool, vous avez juste allé sur la Grande Allée un vendredi soir à 2 h du matin, vous allez voir que c'est pas chic, là. Bien, c'est sûr que l'alcool enlève les inhibitions, donc il y a des gens qui vont être plus agressifs ou qui vont avoir des comportements plus à caractère de provocation ou même sexuel, là. Exactement. Fait que je pense pas que c'est juste de juger les substances, mais c'est toujours l'individu en relation avec la substance. Pour ma part, lorsque je consommais du cannabis, je réalisais rapidement que mon état intérieur jouait beaucoup sur l'effet d'intoxication que j'allais avoir sur un high, si on peut dire, de la substance. Si j'étais fatigué puis je fumais du cannabis, je me sentais pas super bien. Mais si j'avais beaucoup d'énergie, j'avais fait un petit peu d'entraînement la journée, il fait beau dehors, je m'en vais dans la forêt, puis je fume du cannabis, j'avais une expérience extraordinaire, là, que j'aurais pas pu avoir parce que j'ai consommé de l'alcool dans le passé et j'en consomme plus depuis plusieurs années, parce que je réalise à quel point c'est pas une substance qui est constructive pour moi. Jamais l'alcool aurait pu me mettre dans cet état-là. Comme le cannabis pouvait le faire. Fait que, tu sais, faut faire attention, je pense, par rapport. On a beaucoup tendance à juger tout ce qui est à l'extérieur de nous sans prendre en considération que le phénomène psychique, psychologique de l'individu joue quasiment plus sur la substance que la substance en soi. Ben, Puis tant aussi longtemps qu'on ne ouais. regardera pas ce phénomène-là, ben on va toujours être dans l'illusion puis de penser qu'il y a une substance qui est meilleure qu'une autre ou moins bonne qu'une autre, qui est acceptée, puis celle-là n'est pas acceptée. Quand qu'en réalité, ils peuvent tous avoir un effet positif ou négatif sur la personne, dépendamment de la personne en soi. Oui, ben en philosophie, on dirait que tout est reçu selon la forme du récipient. Très bien dit. Donc, c'est sûr que tout dépendant de la personne, quelqu'un qui va consommer de la drogue, alors qu'il vit des déceptions, il vit un peu de la déprime, bien, ça peut l'amener à s'enfoncer dans certains cas dans un état de léthargie ou de dépression et il peut avoir beaucoup d'effets pervers. Fait que c'est sûr que de mon côté, le questionnement que j'ai par rapport aux masses de l'humanité présente, qui ne sont pas impliquées dans un processus actif de conscientisation, qui n'ont pas accès à la conscience supramentale, c'est de voir comment que ces gens-là vont composer une fois que ça va être légalisé là, au Canada. Puis c'est sûr qu'il y a d'autres pays aussi qui s'en vont aussi vers la légalisation de ces substances-là de plus en plus. Il y a eu des États de plus en plus aux États-Unis qui ont légalisé la marijuana. Fait que c'est tout simplement de regarder au niveau collectif comment que les masses vont composer avec cette liberté nouvelle qui leur permet de consommer là, cette substance légalement. Moi, de la façon que je le vois, les masses vont toujours être les masses, puis les individus vont toujours être des individus. Ça veut dire que regarder le phénomène de la conscience au niveau de la masse, c'est toujours denivelé vers le bas, tandis qu'au niveau de l'individu, c'est très, très différent. T'sais, moi, je regarde là, le phénomène de la masse en général, puis c'est dur de descendre plus profond que ça, là. Oui, mais c'est sûr que ça peut être intéressant de s'y pencher, étant donné qu'on vit dans un collectif. Ouais, sauf que s'y pencher, oui, mais on n'a absolument aucun pouvoir d'action sur les masses, mais on a un pouvoir d'action sur la connexion qu'on a avec les individus qui sont dans notre environnement direct. Oui, exactement. C'est sûr que mon but, c'est pas de changer les masses, et de les évangéliser. C'est plutôt d'observer qu'est-ce qui se passe sur le collectif et de jeter un regard sur l'évolution de l'humanité. Bien sûr, comme tu le mentionnes, c'est préférable de se concerner, en fait, de concentrer ses énergies par rapport à soi encore là, même les gens dans son environnement, c'est délicat. Fait que, en réalité, de mon point de vue, ultimement, l'individu a juste à s'occuper de lui-même. Ben oui, qui se mêle de ses affaires puis qui fasse qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour balancer ses vibrations. Puis moi, qui suis-je pour juger qui que ce soit dans mon entourage qui fait n'importe quel comportement? J'ai passé ce temps-là dans ma vie il y a longtemps de juger les gens puis de leur dire tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, ça c'est mieux que ça. C'est complètement illusoire de penser que on peut forcer les gens sans qu'ils nous aient demandé quelque chose au préalable, de leur imposer notre façon de penser parce que nous, on a vécu un certain chemin dans notre expérience. Si mettons toi je t'offrais de la marijuana puis tu me disais non, ben c'est parce que justement j'ai du respect pour moi-même, j'ai du respect pour ta décision. Fait que pour moi c'est essentiel de respecter les êtres autour de nous. Puis je pense que c'est beaucoup plus ça le problème dans notre société. C'est pas le problème de la drogue, puis des gens qui sont intoxiqués sur la drogue, c'est un profond manque de respect envers certaines actions. Puis le manque de respect vient d'une incapacité à regarder objectivement l'individu pour qu'est-ce qu'il est, puis où est-ce qu'il est rendu dans son palier évolutif. Si on regardait quelqu'un qui vit dans un quartier isolé, dans un ghetto dans le sud de Los Angeles, puis qu'on le juge parce qu'il vend de la drogue, ça serait peut-être intéressant qu'on vive peut-être un an dans ses souliers pour voir c'est quoi réellement les possibilités là que cet individu-là vis dans une société qui est très oppressive au niveau des gens qui sont défavorisés, qui n'est pas très constructive non plus. Fait que, tu sais, je pense que qui sommes-nous pour avoir une opinion sur le comportement, que ce soit positif ou négatif d'une personne? Moi, je pense que on devrait offrir de l'information, de l'instruction lorsque la personne nous demande. Moi, si quelqu'un venait me voir et me dirait pourquoi t'as arrêté de fumer du cannabis, je lui expliquerais exactement pourquoi. Puis si ça lui fait, si ça résonne en lui, puis qu'il voit certaines choses en lui que moi j'ai vécu, peut-être qu'il pourrait dire, ouais, crème, c'est vrai, j'ai ressenti ça moi aussi, puis je pense qu'il serait peut-être temps que je commence à slacker. Puis il y a un mouvement qui va se faire, mais c'est pas un mouvement d'imposition. Il n'y a pas de domination sur personne. C'est un partage, c'est un échange. Puis l'humain est respecté dans son esprit pour le ce qui est rendu dans son mouvement. Oui, bien justement, tu m'ouvres une porte sur quelque chose d'intéressant. Étant donné que tu me mentionnes que tu as arrêté de consommer du cannabis, j'étais curieux de justement d'explorer avec toi les raisons. Ben moi, c'est parce que j'ai consommé du cannabis jusqu'à il y a pas trop longtemps, puis ce qui m'a vraiment fait réaliser à quel point que cette substance-là peut être destructive pour moi, c'est que on vient à un moment donné à un certain point où ce qu'on a l'impression qu'on est inarrêtable au niveau de notre énergie, parce que à cause, comme j'expliquais plus tôt, du phénomène que lorsque on fume cette substance-là, ben nos récepteurs d'endocannabinoïdes sont saturés par justement les différentes molécules actives dans la plante. Ça crée une certaine forme de neurotoxicité, donc le corps il libère des grosses charges d'adrénaline, des grosses charges de cortisol, d'où la raison pourquoi qu'on a la bouche sec, les yeux rouges, parce que justement, lorsqu'on produit beaucoup d'hormones de stress, le corps a tendance à se déminéraliser, donc nécessairement à se déshydrater. Puis au fur et à mesure, étant donné que lorsqu'on produit beaucoup de cortisol, on a tendance à pas se sentir, ben on arrive éventuellement, puis on frappe une limite, puis on réalise que, oh crème, j'étais allé au-delà de ma limite. Fait que c'est là que moi j'ai vu que ça me faisait perdre contact un peu avec mon état réel. Puis au point où je suis rendu dans mon évolution, j'accepte très bien que si je suis réellement fatigué, je suis fatigué et je dois accepter que mon corps a besoin de se reposer. Lorsque je fumais du cannabis, je voulais pas accepter que j'avais besoin de me reposer. C'était toujours go, go, go. Puis là maintenant, je veux pas être dans le go, go, go ou d'être dans l'arrêt constant. Je veux être dans la vibration qui est présente dans le moment présent. Donc si mon corps a besoin de repos, exemple comme aujourd'hui, je suis un peu fatigué, je me repose. Si j'aurais fumé du cannabis aujourd'hui, peut-être je ne me serais pas senti, je serais allé m'entraîner quand même, j'aurais fait quelque chose, puis là j'aurais été deux fois plus fatigué demain, donc j'aurais fumé de même, j'aurais rien senti, puis j'aurais continué ce que je faisais. Puis vous pouvez voir comment que ça peut s'extrapoler sur plusieurs mois, plusieurs années, puis éventuellement rentrer la personne dans un état d'épuisement avancé. Ce que je reproche aux gens qui sont anti-drogue ou les médecins ou les gens qui sont dans le gouvernement, c'est qu'ils nous expliquent jamais ce phénomène-là. On regarde jamais l'effet des substances sur le système nerveux puis sur le système énergétique du corps humain. On regarde toujours ça comme ça, cette substance-là est mauvaise. Pourquoi? Parce que c'est mauvais, parce que c'est pas légal. Mais en réalité, le cannabis, ça peut être bon puis ça peut être mauvais, mais ça peut être certainement mauvais si on parle de l'épuisement. Parce que, chose certaine, c'est que quelqu'un qui va fumer du cannabis pendant longtemps, il va rentrer dans un état d'épuisement avancé. C'est pas une plante qui va nous donner d'énergie sur le long terme. C'est pas une façon de se comporter qui est durable, malheureusement. Mais Lorsque j'ai réalisé ça, ben c'est ça ouais, ça c'est m'a. ça. En lien avec ça, parce que ça me semble un petit peu paradoxal, parce que d'un côté, de ce que j'entends, c'est que de fumer te donnait la stimulation pour, par exemple, t'entraîner davantage ou de faire des choses, mais en même temps, fumer, c'est supposé te détendre. Ouais, ben ça c'est ça. C'est sûr pour quelqu'un comme toi qui a jamais expérimenté, c'est dur de comprendre. Mais lorsque tu fumes, tu deviens extrêmement. Ouais, je vous explique exactement c'est quoi, comment que je le vivais moi. Puis peut-être que ça va être plus concret, puis les gens vont être capables de le comprendre ce que je veux dire. Lorsque je fumais là, ça détendait mon corps physique, mes muscles. Je devenais très détendu. Donc, en étant très détendu, mon corps fonctionnait selon la loi du moindre effort. Mon diaphragme était beaucoup plus détendu, donc je respirais beaucoup plus profondément. Et ça devenait un entraînement ou un mouvement lorsque je faisais de l'entraînement avec ça, ou si j'allais dans la forêt ou n'importe quoi. C'était très, très mental. Donc, je contrôlais mon corps et non d'une façon physique, mécanique, mais beaucoup plus d'une façon de je visualise mon bras qui va là, mon bras il va là. Fait que ça te met dans un état second qui te permet de justement travailler avec la nature énergétique du corps sans être obligé de faire des mouvements mécaniques. Un peu comme les maîtres en arts martiaux qui travaillent avec le chi, qui le corps semble bouger, mais c'est pas eux qui bougent le corps, ils sont juste témoins d'un mouvement d'énergie qui bouge le corps. Fait que c'est ça qui m'a attaché longtemps à cette substance-là. Mais tu n'étais quand même pas possédé par une énergie qui t'amenait à bouger ton corps. Ben là, c'est sûr que j'étais en contrôle, mais c'est que c'était plus un effort mécanique, ça devenait un effort mental. Je disais, voilà, fais ça, fais ça, fais ça, puis le corps se déplaçait, mais avec beaucoup moins de fatigue puis beaucoup moins de résistance qu'il l'aurait fait à jeun, exemple. Donc, autrement dit, tu avais une plus grande fluidité de ton corps. Ouais, l'énergie bougeait beaucoup plus fluidement. Ça avait tendance à détendre toutes les tensions musculaires. Fait que j'avais l'impression que j'avais plus d'énergie. J'étais plus souple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus. J'étais capable de donner un beaucoup plus grand rendement au niveau de mon effort physique avec beaucoup moins d'énergie dépensée. Sauf que, comme je disais plus tôt, ça, selon moi, c'était beaucoup lié à l'impact justement de la production d'adrénaline puis de cortisol par les glandes surrénales, qui fait en sorte justement que tu as une surcharge d'énergie dans ton corps, mais c'est pas une surcharge d'énergie naturelle, c'est comme une carte de crédit. C'est que tu n'as pas l'argent, mais tu dépenses avec ta carte de crédit. Puis à un moment donné, quand ta carte de crédit est pleine, ben là, tu es obligé de rembourser. Donc, autrement dit, tu gruges sur tes réserves vitales? Exactement, oui. Ce qui fait que, Une oui. fois que les glandes surrénales, ils ont pu. Les éléments nécessaires au niveau matériel pour produire l'énergie normalement, ben, ils deviennent en état d'épuisement, puis il y a un grand moment où ce que le corps il devient fatigué après. Puis c'est pour ça souvent que les gens, lorsqu'ils arrêtent de consommer du cannabis, ils tombent dans un état plus dépressif, plus d'irritabilité, qui sont moins fonctionnels parce que justement, ils réalisent que l'état réel de leur corps y est épuisé. Fait que c'est ça l'effet insidieux, selon moi, de cette drogue-là, là. Oui, mais c'est sûr que c'est intéressant de l'aborder parce que pour être honnête avec toi puis aussi les gens qui nous écoutent, moi je n'ai pas expérimenté avec le cannabis comme toi. Par contre, c'est sûr que j'ai consommé de l'alcool, de différents types, que ce soit de la bière, du vin, du rhum, de la vodka. Donc j'ai certains éléments de référence par rapport à un état d'altéré de conscience en lien avec la consommation d'alcool. Je me suis déjà rendu en état d'ébriété, bien entendu. Mais par rapport à l'impact du cannabis lié à une altération justement de la psyché, pour moi, c'est quelque chose d'inconnu. Fait que je suis vraiment heureux d'en parler avec toi, là. Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est sûr que c'est pour avoir essayé les deux, il y a une grosse différence. L'état d'intoxication de l'alcool puis du cannabis, puis selon moi, il faut que ça soit, pour que quelqu'un puisse vraiment faire la synthèse, il faut qu'il aille expérimenter les deux parce que c'est très subtil. C'est très subtil, c'est pas, je veux pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais. Chose certaine, c'est que moi, en tout cas, ça m'a permis de dépasser beaucoup de plateaux dans ma psychologie d'utilisation du cannabis, mais jusqu'à un certain point, puis éventuellement en réaliser que c'était une grosse béquille, puis être capable de m'en départir là, d'une façon saine. Là. Justement, par rapport à ça, parce qu'en plus de t'être départi de la consommation de cannabis, de ce que j'avais compris, parce qu'on avait eu ensemble une discussion récemment, c'est que tu avais arrêté aussi de consommer du café, de la cigarette. Oui, exactement. Donc, Tout arrêté. moi, c'est ça, tu as tout arrêté différentes substances qui stimulent. Et j'étais curieux de savoir par rapport à cette expérience-là que tu vis présentement. Quelles sont tes constatations en lien avec ça? Les constatations, c'est que je peux dire que c'est très intéressant de vivre dans un état qui est pas altéré par aucune substance intoxicante. Par contre, je crois pas que le mouvement soit complètement terminé, dans le sens que je pense que ce fut un mouvement qui était venu d'une certaine écœurantite par rapport à être obligé d'utiliser certaines substances pour avancer. Mais je crois pas que je vais définitivement arrêter, exemple, le café là, pour le reste de mes jours ou qu'il m'arrivera plus jamais de peut-être consommer une cigarette une fois de temps en temps. Mais chose certaine, c'est que le mouvement va se faire différemment. Au lieu que ce soit un mouvement d'habitude, ça va être un mouvement beaucoup plus conscient. Puis je vois beaucoup plus l'impact de ces substances-là, puis je suis plus sensible aussi à leur utilisation. Donc, ça me permet du moins, en tout cas pour le moment, de ne pas en avoir de besoin. Oui, par contre, c'est sûr que c'est intéressant d'aborder toute la dépollution totale des différentes substances. C'est sûr que moi, j'ai pas fait l'exercice, mais j'étais curieux de t'entendre un petit peu plus en détail là-dessus, dans le sens que est-ce que d'éliminer ces substances-là t'amène à être capable de ressentir davantage le réel? Ce qui est, je trouve, plus difficile pour moi qui a un tempérament de feu, énormément très puissant intérieurement, c'est que j'ai beaucoup moins de capacité d'être complaisant dans ma vie. Je suis beaucoup plus coupant. Ça a toujours été pour ça que j'utilisais ces substances-là. Je réalise en partie, c'est parce que ça me permettait justement d'être plus doux, d'en laisser passer plus facilement. Là, j'y travaille, je te dirais, mais j'ai beaucoup plus de difficultés à entendre, exemple, jaser ou, tu sais, je coupe beaucoup plus sec des conversations qui mènent nulle part ou des relations qui mènent nulle part. Tu sais, j'ai pas une... si je suis fatigué, exemple, ben, j'ai de la misère à faire semblant que j'ai goût d'interagir avec la personne qui est en avant de moi si j'ai pas le goût d'interagir avec. Fait que je suis un petit peu plus direct. Puis j'ai beaucoup plus de sensibilité, donc je suis capable de percevoir beaucoup plus l'individu qui est en avant de moi, puis de faire une lecture beaucoup plus précise que lorsque j'étais sous l'utilisation de ces différentes substances-là. Oui, parce que les substances vont engourdir les perceptions. Donc, si tu as des perceptions à présent qui sont davantage à l'état brut, ça peut te donner une plus grande clarté. Par contre, de ce que je comprends, c'est que tu as une plus grande aussi irritabilité en lien avec ça. Oui, exactement. Fait que c'est pour ça que l'équilibre est important. Puis je pense pas qu'on devrait forcer les gens à sortir d'un processus avant le temps, parce que justement, le corps, c'est très intelligent. Puis s'il te demande de consommer certaines substances, peut-être que pour le moment, ça peut être constructif, parce que justement, t'as peut-être pas la capacité de gérer toute l'input là, ou le flux d'informations qui rentrent au niveau de tes centres. Fait que ça peut aider des fois à tempérer, puis à te permettre de fonctionner dans un travail ou d'interagir avec des gens qui peuvent être moins au niveau vibratoire que personne qui est comme toi, exemple. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, l'un des éléments que je voulais aborder avec toi, c'est que quelqu'un qui vit un processus d'évolution de conscience est appelé à développer une sensibilité qui est plus grande à mesure qu'il intègre la vibration de l'esprit. Donc, c'est sûr que si toi, t'arrêtes de consommer des substances qui t'amenaient à plus à t'engourdir et que ton niveau de sensibilité augmente parce que tu vis une forme de contact intérieur avec l'esprit, bien, à ce moment-là, ton irritabilité risque d'augmenter avec le temps. Exactement. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça, selon moi, qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des substances comme ça, parce que vivre dans la société occidentale comme on vit, absolument à jeun de toute substance, de toute substance intoxicante, c'est très difficile. Puis il faut que ça soit fait tranquillement. Je pense pas que ça soit fait d'une forme d'attitude. Moi, je me libère de tout ça tout de suite. Je pense qu'il faut que ça soit fait avec respect, puis avec douceur, puis de ne pas juger les substances comme étant bonnes ou mauvaises, mais comme étant des paliers puis des béquilles nécessaires jusqu'à un certain niveau. Puis quand on sent qu'on a la capacité de s'en libérer, ben c'est un mouvement qui se fait naturellement, sans effort, et non un mouvement qui nécessite l'effort puis qui crée de la résistance intérieure. Oui, dans le sens que ça se fait de manière plus fluide, mais en même temps, c'est sûr que la société présente, si elle stagne un certain niveau de conscience, un certain niveau énergétique, alors que l'individu qui s'éveille progresse rapidement et qui se crée un décalage entre les deux. Donc, à mesure que l'écart se crée, ça peut créer de l'irritabilité et de la frustration chez l'individu qui atteint un niveau de sensibilité et un taux vibratoire plus élevé que les gens qui se situent dans la masse, ce qui fait en sorte que peut-être que cette personne qui augmente en conscience doit, ben, je dirais pas doit, mais il peut avoir envie, tout au moins, de consommer de la drogue pour faire face à ce différentiel énergétique. Ouais, puis moi je pense que ce qui est primordial, c'est les relations interpersonnelles. Donc si l'attitude d'une personne, c'est de se libérer complètement d'une substance qui l'intoxique, mais qui est rendue, qui est plus du monde, puis qu'il est d'être trop sec puis trop coupant avec tout le monde, je pense que ce mouvement-là est beaucoup plus destructif que quelqu'un qui consomme des substances à gauche et à droite de temps en temps, mais qui est beaucoup plus fonctionnel en relation interpersonnelle avec ses proches. Oui, mais en même temps, quand on regarde ça avec du recul, je trouve ça absurde et aberrant que l'individu qui augmente en conscience soit obligé de compenser avec des gens qui sont inconscients, alors que ça devrait être le contraire, c'est-à-dire que les gens qui sont inconscients rehaussent leur taux d'énergie à celui qui est plus avancé pour qu'il y ait une évolution qui se fasse de Ça manière à ce fonctionne qu'un pas ça. rehaussement. Ouais, je sais que ça fonctionne pas de même. Mais c'est extrêmement frustrant quand on regarde ça d'un point de vue humain, là. Bon, c'est frustrant dans la mesure qu'on ne comprend pas c'est quoi le principe derrière ça. La personne la plus consciente, si on regarde exemple dans un groupe d'individus, la personne la plus consciente, mettons dans un groupe d'amis, c'est la personne qui va être obligée d'avoir le plus de contrôle d'elle-même, qui va être obligée de tamponner le plus son énergie, qui va travailler le plus dans tout le groupe au complet. Puis ça, c'est normal parce que l'être le plus mature doit essentiellement être il y a un certain travail occulte à faire. C'est comme des parents avec des enfants. Les enfants n'ont pas à se plier aux parents puis à essayer de devenir comme leurs parents, évoluer comme leurs parents. C'est des enfants, puis éventuellement, avec le temps, l'enfant va devenir de plus en plus mature. Mais le parent doit tamponner, puis tempérer, puis apprendre à s'ajuster pour que son enfant, il comprend que l'enfant, il a certaines choses à vivre, puis il faut qu'il fasse certaines affaires, puis pendant un bout, ils peuvent être irritants, ils peuvent être immatures, et puis ça peut avoir aucune logique ce que l'adolescent, exemple, dirait. Mais les parents doivent avoir suffisamment de maturité puis de conscience objective pour voir que l'adolescent ou l'enfant est dans un mouvement, puis que pour le moment, il est aveuglé par certains paramètres, par certaines programmations. Fait que moi, c'est ça dans un groupe, c'est que si, exemple, je suis dans un groupe de personnes, puis que c'est des gens qui vivent moins haut que moi, là, ben, il faut que je travaille, il faut que je tempère ce que je dis, il faut que je contrôle ma parole, il faut que j'orchestre énergétiquement ce qui se passe. C'est comme une responsabilité qui est non dite, personne ne va en parler, mais c'est toujours présent. Oui, c'est ça dans l'implicite, et je pense que tu l'expliques très bien le phénomène. C'est sûr que si on revient à notre sujet de la drogue, c'est sûr que si des gens qui sont très peu conscients ont accès à des facilités de se procurer justement de la drogue légalement, avec un dosage élevé de THC, c'est sûr que ça peut avoir des répercussions sociales là, dramatiques dans certains cas, là. Ben, je vois pas comment que ça peut être plus dramatique que l'impact de l'alcool puis de la télévision puis de la consommation excessive qu'on a dans notre société présentement. Ben, de mon point de vue, ça sera peut-être pas justement nécessairement plus dramatique que ces éléments-là, mais ça peut participer à certains dérapages ou augmenter leurs répercussions dans le sens que quelqu'un qui a des difficultés à gérer sa vie, il se met à consommer de la marijuana, il lâche son travail, il s'isole. Oui, mais ça, c'est partie de son processus d'évolution. Oui. Mais l'élément sur lequel je veux t'amener, c'est que ce soit l'alcool ou la marijuana ou d'autres formes de drogue, c'est que ça peut être des portes d'entrée pour des entités du plan astral pour établir des liaisons psychiques avec l'individu. Et ça peut amener certaines personnes à être possédées par des entités qui vont les amener à commettre des actes destructifs envers eux-mêmes ou également d'autres personnes. Ça, c'est vrai, mais ça a une lame à double tranchant. C'est que pour ma part, lorsque je consommais du cannabis, j'étais très, très conscient du lien avec différentes entités ou différentes formes d'égrégores énergétiques du plan astral, surtout lors de la consommation de psychotropes, comme exemple des champignons magiques, c'est très, très flagrant. Sauf que en même temps, oui, ça ouvre la porte, mais ça permet aussi de voir l'illusion de ces formes d'entités-là, puis de voir à quel point ils n'ont absolument aucun pouvoir sur l'individu si l'individu est centrique. Fait que oui, dans un certain cas, le problème essentiellement à la racine, c'est l'inconscience de l'individu. Une personne inconsciente qui consomme de la drogue, il est foutu. Ça, c'est clair et net. Quelqu'un qui est dans un processus de conscientisation, qui consomme de la drogue une fois de temps en temps, peut vraiment, vraiment utiliser ça comme un outil qui peut l'aider à voir l'illusion de ce plan-là, puis voir l'illusion de la pensée, puis tout ça. Ça peut concrètement lui démontrer l'aspect occulte du contact avec l'astral. Fait que c'est subtil. Il y a vraiment toujours deux côtés là, à ça, là. Moi, ça m'a aidé à voir à quel point que tu ouvres des centres lorsque tu prends ces drogues-là, puis que tu es en contact avec toutes sortes de poubelles ou toutes sortes d'entités du haut ou du bas astral. Mais en même temps, si tu as une certaine objectivité ou tu es relativement centrique, moi, j'étais capable de vraiment voir à quel point cette forme de manipulation-là qui rentrait lorsque, mettons, je fumais du cannabis, je voyais justement les formes pensées qui rentraient, puis j'étais capable de réaliser que c'était de la bullshit, là. Mais quelqu'un qui voit pas la bullshit de la forme pensée dans à jeun, puis qui prend du cannabis, il peut l'avoir ou pas l'avoir, mais ça n'a absolument rien à voir avec la substance. La preuve, c'est qu'il y en a qui le voient, puis il y en a qui le voient pas. Fait que c'est pas lié directement avec la substance consommée, c'est lié seulement avec le degré d'intégration de l'énergie de l'individu. Oui, par contre, la substance consommée peut amplifier un état de psychose, un état dans lequel la personne a de la difficulté à gérer sa psyché. La Mais c'est parce personne. qu'il faut regarder ça très, très, très sur le même pied d'égalité. C'est que n'importe quelle substance qui intoxique l'organisme produit une relâche d'hormones de stress parce que le corps, il détecte qu'il y a un poison qui est dans le système. Fait que quand le corps, il détecte une menace, il produit des hormones qui accélèrent différents processus vitaux, ce qui mène la personne à avoir une plus grande ouverture, un plus grand ressenti, puis des plus grandes sensations. C'est vraiment juste ça. Fait que l'alcool ou les amphétamines ou la cocaïne ou la marijuana, c'est tous des éléments qui peuvent amener la personne éventuellement, si elle est très débalancée intérieurement, à une forme de maladie mentale. Mais c'est pas la substance en soi. Quelqu'un peut prendre des grosses, grosses doses de caféine, puis travailler une job, des heures de fou, puis éventuellement sauter de breaker, là. T'sais, fait que c'est dans le corps humain, il n'y a pas de différence. C'est toujours une chimie. Le corps, c'est une chimie en mouvement. Les émotions, c'est une chimie, c'est différents types de chimie. Puis quand quelqu'un vit beaucoup de stress au niveau des sens, ça produit une chimie dans le corps, puis ça a un impact direct sur son état psychique et psychologique. Fait que je vois que ce que tu veux dire, c'est certain, puisque si tu regardes tous les sites internet gouvernementaux disent que la marijuana peut amener la personne éventuellement à la schizophrénie puis à la psychose, mais la cocaïne va faire la même affaire, l'amphétamine va faire la même affaire, Oui, l'alcool va faire la c'est même ça. affaire. Ça peut tout mener à la folie, là. C'est ça. Les autres drogues peuvent mener aussi à la folie. Sauf que la problématique, c'est que les gens ne sont pas conscients des implications occultes que ça peut avoir. Je voulais savoir si tu avais d'autres choses, Olivier, à rajouter là, à l'égard de ce sujet. Moi, si j'aurais quelque chose à rajouter par rapport à ce sujet-là, ça serait de vraiment prendre ça avec un grain de sel, ce qu'on a dit aujourd'hui, puis d'arriver avec une approche plus objective par rapport à l'utilisation de certaines substances, plus que d'avoir une opinion préfaite, puis d'essayer de regarder les gens que peut-être que vous avez dans votre entourage qui consomment des drogues, que ce soit n'importe quelle forme de drogue. Puis essayer de comprendre qu'est-ce qui est la mécanique derrière l'utilisation de ces substances-là, au lieu d'avoir tendance à juger les individus qui consomment des drogues, puis d'avoir une attitude qui est plus créative, qui est plus constructive à long terme, pour que justement ces gens-là soient pas supportés dans l'utilisation de drogue, mais qu'ils soient au moins qu'aient au moins des gens qui sont assez intelligents dans leur entourage pour essayer pour réaliser que pour certaines personnes, ça peut avoir un impact, ça peut avoir une utilité pendant une période de temps, puis que ça fait peut-être partie de leur programmation de vivre une certaine forme d'addiction pendant une période de leur vie, ou même certaines personnes toute leur vie, pour éventuellement en comprendre, puis s'en libérer si tel est le cas. Exactement. C'est sûr que si on parle de programmation, ici, c'est plus au niveau astral, c'est-à-dire que la drogue garde les gens en contact avec des réalités énergétiques beaucoup plus basses que celles du plan mental. Mais encore là, moi, je ne serais pas prêt à dire ça. Ben, moi, j'aurais tendance à le dire, surtout en m'appuyant sur les propos que j'ai entendus de par Bernard de Montréal, qui était quand même très avancé dans le domaine de l'intégration de la conscience supramentale, qui s'est toujours opposé à la consommation du pot, qui, dans ses propos, en tout cas dans ce que j'en comprends, il a toujours été extrêmement critique par rapport aux drogues, puis il voyait à travers des drogues une occasion de nuire à l'évolution de la jeunesse et une forme d'astralisation là, qui était générée par elle. Certainement d'accord avec toi par rapport à ça. Par contre, Bernard de Montréal parlait à un auditoire général, parlait pas d'un cas d'individu à individu. Et Bernard de Montréal avait peut-être pas d'expérience avec ces substances-là. Puis je pense que versus l'expérience de quelqu'un qui ne consomme pas ces substances-là, contrairement à si on observe des gens puis on écoute l'opinion des gens qui en ont déjà consommé. On peut faire une synthèse, on n'est pas obligé de prendre l'opinion d'une personne qui est supposément réputable pour se faire une opinion finale sur un sujet, là. Oui, tout à fait. C'est sûr que l'individu doit trancher par lui-même, là, bien que de prendre des fois en considération des points de vue de gens qui sont avancés dans l'intégration d'une conscience, ça peut avoir certaines utilités. Mais en effet, en définitive, c'est l'individu qui doit trancher par lui-même. Exact, parce que être astralisé, c'est être astralisé, que tu sois en consommation d'une drogue ou non. Pour ma part, surtout vers les derniers temps que je consommais la drogue, je préservais ma conscience, même si je consommais cette drogue-là, j'étais pas complètement absent. J'avais la continuité de ma conscience, même si j'utilisais ces substances-là. Je réalisais les mouvements énergétiques des différents courants de pensée, des différentes émotions qui pouvaient naître. Dû à l'ouverture des centres causés par les drogues, mais en aucun cas, je perdais mon identité à cause que je consommais des drogues. Quelqu'un qui perd son identité parce qu'il consomme des drogues, d'abord, il n'y a aucune identité en partant. Oui, c'est ça. Sauf que le point, c'est que les gens peuvent avoir l'impression de ne pas perdre leur identité en consommant des drogues, mais ne pas se rendre compte de qu'est-ce qui se passe objectivement, étant donné qu'ils n'ont pas totalement intégré l'énergie de leur propre esprit, donc ils ont encore des voiles au niveau subjectif. Ben, c'est ça, c'est du cas par cas, encore une fois. Moi, si je prends mon expérience, je peux vous dire certainement que je pouvais réaliser les mouvements liés à l'utilisation d'une substance, mais en aucun cas, je perdais ma conscience à cause de ça. J'étais capable de voir qu'est-ce qui se passait, j'étais capable de ressentir. Puis, pour moi, ma ligne de référence qui faisait en sorte que je savais que j'étais pas perdu, c'est que j'avais une continuité constante de jour en jour. Puis, même après différents chocs, j'étais capable d'intégrer les chocs, j'étais capable de travailler, j'étais capable de fonctionner, j'étais capable d'interagir, j'étais capable de poursuivre dans mon évolution, même si je consommais des drogues. Fait que de penser que à cause que certaines personnes consomment des drogues, ils sont voués sont faits à l'os, comme dirait Bernard de Montréal, je pense que ça, c'est un propos qui est dirigé vers un grand public et non un public individuel. C'est un petit peu ça que j'essaie de dire. Je veux pas spéculer sur cet homme-là parce que cet homme-là, il est plus avec nous présentement. Il était avec nous, peut-être que son opinion aurait évolué, peut-être qu'il aurait vu certaines choses nouvelles. Mais chose certaine, c'est que des choses peuvent être dites pour un grand public et des choses peuvent être dites pour des individus. Et dans les deux cas, ça va dépendre de la vibration des individus qu'on a en avant de nous. Puis je pense que c'est sur ça qu'il faut se concentrer plus que établir une norme sociale. Parce que là encore, là, on tombe dans des croyances, dans des façons de faire, dans des règles. Puis c'est d'abord la chose numéro un que Bernard de Montréal essayait d'abolir, c'est la croyance. Puis les dogmes qui lient la conscience de l'homme au plan astro, fait que faudrait pas tomber dans le même piège. Exactement, c'est sûr que je comprends ce que tu veux dire. Au lieu de créer de nouvelles formes sociales pour interdire la drogue, donc pourquoi ne pas à la place justement faire du jugement du cas par cas, puis c'est à chaque individu de déterminer son rapport aux drogues. Mais en même temps, tout ça est délicat parce que tant aussi longtemps que la personne est en processus d'évolution, l'individu peut se faire manipuler par de l'astral, la personne peut être confronté à notamment à des états de psychose liés à une intoxication. Et ça, que ce soit la marijuana ou à l'alcool, il demeure pas moins qu'un état de psychose amène l'individu à avoir des comportements qui sont en relation avec des énergies, des intelligences qu'il n'est pas capable de contenir. Certainement, mais je pense que si on regarde la définition de la psychose, c'est la perte de contact avec la réalité. Je pense que dans notre société, il y a beaucoup plus de gens qui sont dans une forme de psychose collective que même certains individus qui utilisent ou qui n'utilisent pas de substances intoxicantes. Oui, dans un certain sens, je suis obligé de donner raison. Mais en même temps, moi, de mon point de vue, c'est sûr que je comprends le tien, puis c'est tout à fait louable de laisser l'individu juger par lui-même plutôt que de lui donner des balises C'est générales. ouais, c'est ça. C'est parce que ce que je fais, c'est l'avocat du diable. J'ai pas un parti pris pour la drogue. Je Non, prends plus de je drogue. Ça comprends très m'intéresse plus bien. de prendre de la drogue, mais c'est souvent le même discours que j'entends des gens qui n'en ont pas utilisé. C'est soit ils se basent sur l'opinion de quelqu'un d'autre par rapport au sujet, ou soit ils utilisent des références qu'ils ont lues quelque part, mais en aucun cas, c'est du matériel qui est du savoir intégré à partir de l'expérience directe de la substance. Donc, selon moi, quelqu'un qui est en contact avec sa nature énergétique vibratoire, il est en contact avec sa nature énergétique vibratoire. Mais comme n'importe quelle personne qui est dans un processus de fusion, dans les débuts, il est mené à être astralisé à un degré ou à un autre, jusqu'à ce que l'intégration se fasse à un certain niveau d'avancement, ou ce que l'individu éventuellement est rendu dans un degré de fusion absolue, puis que là, de toute façon, je pense plus qu'il se réincarne sur un plan matériel comme la Terre. Oui, exactement. Sinon, si je le prends autrement, au lieu de me référer à Bernard, que de ce que j'ai compris, qui était extrêmement critique au sujet de la drogue au fil de ses enregistrements, Et je ou... tiens à dire que je comprends la vision que Bernard de Montréal avait par rapport aux potes, et j'en suis très d'accord, mais dans un point de vue collectif, et non dans un point de vue individuel. Oui, exactement. Donc, selon ce que j'en comprends, au niveau collectif, puis je suis en accord avec toi, c'est que c'était logique les mises en garde de ce que j'ai entendu de sa part par rapport à ça et son Oui. aspect très critique. Mais si je ramène ça par rapport à moi, c'est sûr que je peux pas parler de la marijuana par rapport à l'autorité de mon vécu personnel vu que j'en ai pas pris et j'en suis totalement conscient. Par contre, je peux parler de mon vécu en lien avec l'alcool. Et je peux te dire, Olivier, que je n'ai jamais été capable de canaliser du matériel intéressant sous l'influence avancée d'une consommation d'alcool. Ça, c'est ça. Puis même moi, j'aurais tendance à dire la même chose. Selon mon vécu, là, si quelqu'un me dit que regarde, si tu consommes de l'alcool, tu vas voir, tu vas accéder à des niveaux de conscience incroyables, blablabla. Moi, selon mon expérience, c'est pas vrai, c'est du bullshitage. Et la consommation d'alcool enlève la concentration et de la présence d'esprit. Exactement. Donc, pour moi, de canaliser du matériel à travers l'écrit ou à travers la parole au micro, sous l'influence d'alcool, ça ne fonctionne pas. Par contre, ce que je peux dire, en m'appuyant sur mon vécu, c'est que après avoir réalisé un enregistrement à caractère supramental, de boire une coupe de vin ou un peu d'alcool, ça aide à diminuer l'impact de l'électrification de mon mental. Il y a une activité intensive de canalisation, donc ça permet de détendre. Exactement. C'est ça qui est. C'est un peu là que je voulais en venir. Pour avoir soupé avec toi plusieurs fois, puis t'avoir vu consommer de l'alcool, puis d'en avoir consommé un petit peu avec toi, jamais t'étais hors de contrôle ou tu perdais pas contact avec la réalité, puis t'étais pas rendu un légume. Donc c'est là, on revient encore à la même affaire qu'on disait au début, c'est que la substance, c'est comment que on met la substance, c'est dans quel réceptacle la substance est utilisée. Oui, exactement. Donc, tout est en lien avec l'utilisation. C'est sûr que dans mon cas, ce que je peux parler de mon vécu, c'est que de consommer de l'alcool avant de faire des enregistrements, ça fonctionne pas. Pour moi, je suis pas efficace. Puis au niveau énergétique, c'est comme si ça va m'abaisser alors que je vise à être stimulé puis dynamisé. Fait que ça a l'effet contraire. Au lieu de participer à l'allumage du feu intérieur, ça va plutôt l'éteindre. Alors qu'après une activité intense, donc si je discute avec toi pendant un bon bout de temps, pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, ben c'est sûr que de prendre de l'alcool par la suite pour me détendre, pour me préparer à dormir, ça va m'aider parce que sinon je ne suis pas capable de dormir. Ben c'est ça, puis c'est d'où ce qu'on en parlait plus tôt, c'est que des fois, certaines substances peuvent être utiles, utilisées intelligemment pour balancer ces vibrations jusqu'à ce qu'éventuellement on soit capable de fermer le canal sans l'utilisation d'aucune substance. Puis c'est pas un processus qui peut être forcé ou accéléré. Je pense qu'on doit faire selon les outils qu'on a dans notre quotidien, puis selon de notre champ d'expérience pour être capable justement de travailler à s'équilibrer. Parce que quelqu'un qui vit de plus en plus le processus d'intégration de l'esprit cherche toujours à une chose, équilibrer son énergie, être toujours dans une certaine forme de paix d'esprit, puis une certaine harmonie. Puis ici, on parle pas de la paix spirituelle, on parle vraiment d'une équanimité intérieure. Donc, si quelqu'un, pendant une période de temps, a besoin de prendre une bière ou fumer une cigarette pour atteindre une certaine forme d'équanimité intérieure, puis qu'il ne vit pas l'illusion que c'est à cause de la substance, puis qu'il a besoin de la substance pour ça, la personne peut utiliser les formes créativement au lieu de se faire utiliser par les formes telles que dans le phénomène de l'addiction. Exactement. Et c'est sûr que dans le fond, la personne peut se faire utiliser justement par les formes si elle est sous influence astrale malgré elle. Donc, elle ne s'en rend pas compte qu'elle est sous l'influence d'entité. Exact. Et ça, c'est très subtil. C'est sûr que de consommer de la drogue peut induire de manière précoce une entrée en psychose. Donc, ça peut devancer le contact, en fait, le vécu d'état de perte de contact avec la réalité. Et aussi le contact avec des entités, parce que ça, c'est un aspect qui n'est pas abordé par la science matérialiste officielle, mais de mon point de vue, chaque substance peut avoir un impact sur le fonctionnement, bien sûr, physique du cerveau, mais ça peut avoir un impact aussi en relation par rapport à l'individu qui peut entrer en contact avec d'autres dimensions, parce que pendant des siècles, les chamans ont pris certaines substances pour entrer en contact avec le monde des esprits. Ben, quand on parle du monde des esprits ou du plan astral, c'est si quelqu'un est dans une conscience éveillée, puis en même temps dans une conscience de sommeil ou de sommeil profond, on peut dire que ça, c'est une perte de contact avec la soi-disant réalité, puis on peut dire que ça, c'est une forme de psychose. Mais d'abord, il faudrait réévaluer qu'est-ce que la psychose, parce que c'est sûr que si on regarde la psychose d'un point de vue matérialiste, c'est un grand débalancement. Mais si quelqu'un qui vit une forme de psychose, temporairement serait pris sous sous l'aile d'une personne qui est avancée dans l'exploration de ces territoires psychiques-là, il pourrait rapidement être remis à l'ordre, puis trouver un équilibre dans cet environnement-là, puis revenir à rééquilibrer son énergie, à se rebalancer, puis à se regrander dans son corps matériel. Mais le problème, c'est que pour la science matérialiste, c'est tellement hors, ils ont tellement une incapacité à accepter que le phénomène psychique derrière toutes les différentes formes de maladie mentale, qu'on dit à cette personne-là, bon, mais cette personne-là est malade, il faut lui donner un médicament, et là, on coupe le contact complètement avec toutes les possibilités que cet individu-là puisse rentrer en contact avec son énergie. Que ce soit de l'énergie du plan astral ou du plan mental, dans tous les cas, cette médication-là va couper le contact complètement, puis va rendre cet individu-là un légume. Exactement, au lieu de l'éduquer Ben, c'est à comment ça. composer avec ce contact et cette réalité. Parce que là, tu sais, on est encore dans le jugement. Quand on dit hey, ça, c'est dangereux, ça pourrait mener à la psychose, on ne regarde pas les choses avec une conscience objective. Parce que si on regardait la psychose dans une conscience objective, on réaliserait qu'il n'y a aucune séparation dans aucun état. Il y a toujours juste un moment qui existe, c'est ici et maintenant. Puis on peut rentrer à différents taux vibratoires. Fait que si quelqu'un qui vit dans son corps matériel, qui vit à très basse vibration, puis qui est très, très trois-dimensionnel, pour lui, ça, c'est la réalité, mais lorsqu'il rentre dans des plus hauts paliers vibratoires, où est-ce que le psychisme est en interrelation avec le plan matériel, bien là, éventuellement, il dit qu'on perd contact avec la réalité, mais en réalité, c'est pas qu'il perd contact avec la réalité, c'est qu'il a accès à des plus hautes perceptions qui, malheureusement, fait pas partie de la connaissance générale de la science aujourd'hui. Donc, on dit que cette personne-là, elle est débalancée. Parce que n'importe quelle personne qui vivrait des ouvertures de centre psychique, puis qui n'aurait pas eu d'instruction au préalable, pourrait vivre du débalancement, comme certaines personnes pourraient vivre la même ouverture du centre psychique, puis vivre un certain équilibre par rapport à ça. Fait que c'est pas nécessairement lié à l'accès à des perceptions plus grandes, mais plutôt lié à le manque d'instruction nécessaire pour rentrer dans ces mondes-là sans être assujetti aux différentes formes d'énergie ou d'entité qui pourraient être présentes sur les différents plans. Oui, exactement, parce que de mon point de vue, la problématique avec la science actuelle, c'est qu'elle ne reconnaît pas, à la différence des chamans, l'existence du monde des esprits ou des différents plans d'énergie astrale, mentale et les sous-paliers. C'est que la science matérialiste ne reconnaît que la matière et la multidimensionnalité de l'être humain est niée, ce qui fait en sorte que si quelqu'un dit qu'il prend de la drogue puis qu'il entend des voix, oups, tout de suite c'est du délire, des hallucinations. Alors que d'une perspective chamanique, on peut dire, ah, la personne a communiqué avec des esprits sur le plan des esprits. Exactement. Puis je pense que dans notre société, tout le monde entend des voix parce que tout le monde reçoit de la pensée. Puis selon moi, la pensée, c'est d'extrêmement basse vibration en général parce que la plupart du temps, la pensée, c'est de la pensée subjective qui est très, très, très peu créative, très peu intelligente, qui garde les gens liés à des formes d'émotions puis de pensées qui sont très retardataires. Fait que c'est sûr que c'est que les gens à qui on a donné du pouvoir autoritaire au niveau de la science aujourd'hui, lorsqu'ils vont évoluer de plus en plus, vont réaliser justement que le phénomène de la maladie mentale, le phénomène de la psychose qu'on parle en relation avec les drogues, c'est plutôt des phénomènes d'ouverture de centre, mais que les gens expérimentent des territoires dans lesquels ils sont absolument pas habitués à se conduire. C'est le même principe comme si on prenait quelqu'un en Amazonie qui vit dans une tribu puis qui a vécu dans une tribu toute sa vie puis qu'on le met au centre-ville de New York, ça se peut qu'ils savent pas trop qu'est-ce qui se passe là. Exactement. Et c'est par rapport à ce risque de propulser d'une manière prématurée des jeunes enfants, entre autres, dans des dimensions psychiques auxquelles ils ne sont pas préparés, que de mon point de vue, le fait de légaliser la marijuana et de banaliser son utilisation peut faire en sorte qu'il y ait éventuellement des jeunes de 12-13 ans qui vont se mettre à fumer, ils vont penser que c'est correct, alors qu'ils vont se ramasser à vivre malgré eux des contacts astraux, alors qu'ils n'ont pas la préparation adéquate pour composer avec eux. L'affaire, c'est qu'ils vivent déjà des contacts astraux s'ils sont déjà menés à ces comportements-là. Donc, de toute façon, ils sont déjà voués à vivre ce contact-là. Puis, moi, l'alcool, c'est illégal avant 18 ans. Puis, je connais pas grand personne dans mon entourage qui ont consommé de l'alcool à partir de 18 ans dans leur vie, là. Fait que, on s'entend que les jeunes qui veulent vivre des expériences, que ce soit légal ou non, ou contrôlé ou non, c'est absolument aucune loi qui vont empêcher ces individus-là de vouloir expérimenter différentes substances. Oui, tout à fait. Je comprends ce que tu as emmené, mais il n'en demeure pas moins que ça demeure un danger dans le sens que la personne se fasse récupérer par l'astral dans un état psychose vécu en bas âge, qui fait que par la suite, la personne, tout le reste de sa vie, vit une fois de temps en temps des états psychose, puis à quelque part, elle sombre dans une forme de déchéance. J'aurais tendance à dire avec toi, à être d'accord avec toi que l'utilisation de drogues, que ce soit l'alcool, la marijuana, les amphétamines, dans un bas âge, c'est extrêmement détrimental pour le développement de l'individu. Mais quand on est rendu à une société qui donne des amphétamines à des jeunes de 7, 8, 9 ans en montant pour qu'ils puissent se concentrer et absorber du mémoriel qui est malheureusement très peu évolué dans nos écoles aujourd'hui. Je vois que ça peut peut-être mener aussi à des problèmes de déséquilibre relativement avancés chez les individus. Puis, je pense que les jeunes qui, de plus en plus, qui sont souvent étiquetés comme troubles de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, c'est des jeunes qui ont déjà des centres déjà ouverts, qui sont déjà dans une société qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'input au niveau des sens. Puis qu'ils vivent déjà du débalancement à cause qu'il n'y a pas de structure, puis il n'y a pas d'instruction suffisamment solide pour eux, pour qu'ils puissent se développer avec un certain équilibre intérieur. Des fois, je regarde des parents, j'entraîne des jeunes enfants, puis des adolescents, des fois, puis je regarde des parents, puis je me dis, il y a des bonnes raisons pourquoi ces enfants-là, ils ont un déficit avancé. Fait que de dire que de mettre le doigt sur un problème tel que la drogue pour dire que ça va amener les gens à vivre de la maladie mentale, je pense que notre société est conductive pour vivre de la maladie mentale dans la façon à laquelle elle est structurée. Fait que je pense pas que c'est un problème de drogue, mais je pense que c'est un problème de manque d'éducation sur plusieurs aspects de notre structure sociale qui peut amener l'individu à vouloir utiliser de la drogue. C'est surtout sur ça qu'on devrait se pencher, c'est de savoir pourquoi les gens, ils sont tant attachés à vouloir se doper en permanence. Ça devrait être ça qu'on devrait étudier, mais malheureusement, je pense pas que notre société a l'avantage à ce que on ait une culture qui est intelligente puis créative, parce que justement, c'est une industrie qui est derrière tous ces phénomènes-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui bénéficient d'ignorance de la population, puis que la maladie, qu'elle soit autant psychologique que physique ou psychique, bénéficie grandement beaucoup, beaucoup de différentes formes d'institutions. Fait que, avant Oui. qu'on attaque les substances, puis qu'on dise que les substances soient la problématique numéro un pour la maladie mentale, je pense qu'on devrait regarder les structures sociales, puis après ça, voir la racine cause de c'est quoi qui fait que les jeunes ou les adultes sont amenés à vouloir aller vers des comportements qui sont dits destructifs. Oui, c'est sûr que ça pourrait être intéressant d'étudier la motivation individuelle liée à la consommation de drogue. Et c'est sûr que la société a sa part de responsabilité, si on pense notamment par rapport aux jeunes qui sont diagnostiqués en bas âge en Occident comme ayant un déficit de l'attention et qu'on va leur donner là, massivement du Ritalin. Mais c'est sûr que juste à ce niveau-là, j'ai déjà été mis au courant que le fait qu'un jeune en bas âge est habitué à prendre des médications sur une base régulière augmente le risque par la suite, rendu à l'âge adulte, il va continuer à prendre de la médication ou se droguer. Donc, Ben oui, c'est évident ça parce a une que incidence. si on regarde, exemple, qu'est-ce qui est contenu dans des pilules pour les jeunes, autant à l'université, au secondaire, au cégep qu'à l'école primaire, pour faciliter la concentration, c'est des dérivés d'amphétamines. Donc, on n'est pas très, très loin de le crystal meth ou bien le speed qu'on appelle au niveau des drogues de rue. C'est des formes de stimulants qui sont seulement faites dans un laboratoire pharmaceutique avec des concentrations beaucoup plus, pas modérées, là, mais Plus basse. plus basses, plus Ouais. contrôlées, bien sûr. Mais ça va sans dire que n'importe quel humain qui consomme des amphétamines va amener son corps vers un épuisement éventuel. Puis souvent, c'est que lorsqu'on prend des substances stimulantes comme des amphétamines, exemple, on produit des plus hauts taux de dopamine, des plus hauts taux de sérotonine, puis éventuellement, à force de déséquilibrer la production de nos neurotransmetteurs, on vient carencer dans certains neurotransmetteurs, surtout la dopamine puis la sérotonine, ce qui nous amène à avoir toutes sortes de comportements addictifs face à des substances, parce que justement, notre système au préalable était déjà débalancé. Fait que on règle pas le problème lorsqu'on travaille contre les drogues ou pour les drogues. Ce qu'il faut réaliser, c'est vraiment qu'est-ce qui est la racine cause de pourquoi qu'on dope autant d'enfants. Aujourd'hui, je vois pas pourquoi que on dev, on, qu'on, là, excusez-moi, dans le fond, moi, quand j'étais au primaire et au secondaire, le pourcentage de jeunes qui consommaient du Ritalin ou du Concerta ou d'autres formes de drogue pour ça, était extrêmement faible comparativement aujourd'hui. Fait que je vois pas je pense que le problème est beaucoup plus au niveau de la structure de l'éducation, la structure sociale, puis l'incapacité de comprendre que l'être humain, l'âme, elle évolue. Donc à chaque fois qu'une âme se réincarne, elle est rendue à un point où est-ce qu'elle a des nouvelles expériences à vivre, elle est rendue à un autre palier au niveau de sa vibration. Donc elle a besoin la structure a besoin, la forme a besoin de suivre l'évolution des individus et non les structures qui doivent imposer sur l'évolution de l'individu. Puis je pense que c'est ça qu'on voit aujourd'hui, pourquoi que l'utilisation de la drogue est aussi prédominante. C'est parce que justement, on a des structures sociales qui sont extrêmement retardataires, qui forcent les gens à vouloir rechercher de l'expansion. Parce que si on regarde en général, qu'est-ce que les gens apprécient d'utilisation de n'importe quelle drogue, que ce soit toutes les drogues qu'on a parlé plus tôt, c'est une forme d'ouverture, une forme d'expansion. Tous les humains sont à la recherche d'expansion parce qu'essentiellement, ils sont à la recherche du contact qu'ils ont longtemps perdu pendant l'évolution. Fait que on n'a juste pas les outils nécessaires pour rentrer en contact avec cette énergie-là. Donc, on utilise les outils qu'on connaît ou les outils qui sont disponibles dans notre société. Puis, c'est des outils qui, malheureusement, fonctionnent comme une forme de carte de crédit. Donc, ils nous donnent un sentiment d'ouverture temporaire pour éventuellement nous laisser avec un vide, puis un plus gros creux, plus de blocage dans nos circuits d'énergie interne, puis éventuellement un état d'épuisement. Puis, justement, quelqu'un qui est débalancé dans ses neurotransmetteurs puis dans son énergie vitale peut facilement baisser son taux vibratoire au point où ce que justement il rentre en contact avec des entités astrales de très basse vibration qui peuvent le mener à utiliser encore plus ces substances-là puis éventuellement à s'enlever la vie pour retourner justement sur ces plans-là puis continuer son travail ailleurs. Exactement, parce que ça peut être extrêmement tordu, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une addiction au plan astral, Exactement, mais au oui. contact avec ce plan et ces entités. Et le point que je veux t'amener, c'est que tu soulèves des éléments extrêmement intéressants à travers ton propos, parce que c'est vrai que quand on regarde le système scolaire, ou entre autres, si je prends l'exemple du Québec, parce qu'on est quand même tous les deux dans la société québécoise, les jeunes garçons n'ont pas la possibilité de bouger beaucoup en classe. Donc, à ce moment-là, on va Exactement. leur donner du Ritalin. Et c'est sûr que s'ils auraient plus qu'une période de temps par semaine à faire de l'activité physique, qu'un cours d'éducation physique, bien, peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait moins besoin de médication pour rester stable sur une chaise. Et aussi, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est normal qu'un individu passe l'ensemble de la matinée et de l'après-midi assis sur une chaise alors qu'il est en période de croissance et qu'il a envie de bouger? Il faut comprendre aussi une chose, c'est que l'énergie doit librement circuler à travers tous les différents types, les différents méridiens dans les corps d'énergie subtile. Rester assis pendant des longues périodes de temps, ça rend l'individu léthargique, ça rend la personne paresseuse, fatiguée, puis ça lui donne moins d'énergie. L'amener à bouger ou à créativement apprendre en mouvement va grandement améliorer la fonction de son cerveau, puis la capacité de créer des nouvelles connexions, puis de pouvoir avancer aussi au niveau du développement de l'individu. Fait que, tu sais, puis on parle de ça, si on va en Norvège ou dans différents pays scandinaves, leur système d'éducation est beaucoup plus développé que le nôtre ici, puis il est basé beaucoup plus sur justement l'apprentissage qui est en mouvement et non un apprentissage très théorique, assis à accumuler des formes intellectuelles sur une longue période de temps. De toute façon, ça, c'est d'ignorer la nature même de l'individu parce que un humain apprend de différentes façons. Il apprend visuellement, il apprend auditivement, puis il apprend kinesthésiquement. Donc, il faut que le mouvement soit présent dans son éducation s'il veut se développer d'une façon équilibrée. Puis les mouvements, quand je parle de mouvement, c'est pas d'aller dans le cours de récréation nécessairement, puis courir à gauche puis à droite, mais d'inspirer les jeunes à faire des mouvements, de leur donner, exemple, des cours de yoga ou des cours de qigong ou des cours d'arts martiaux ou des mouvements qui développent une capacité du système nerveux à créer des nouvelles connexions puis augmenter leur capacité de concentration. Parce qu'on peut pas augmenter la concentration seulement sur un aspect auditif ou visuel, il faut augmenter la concentration sur les différentes spécificités de les capacités d'apprentissage. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que on met en éclairage à présent les lacunes du système éducatif, qui est très limité, dans sa façon de faire et qui devra éventuellement être revu pour répondre davantage aux besoins des individus. Et si les gens se sentent plus, écoutés, compris et, accueillis, par le système éducatif, qui répondra, plus à leurs besoins, bien, à ce moment-là, ils n'auront pas besoin de prendre de drogue pour compenser, le fait qu'une adéquation entre eux et le système éducatif. Exact. Fait que c'est sûr que toute cette conversation par rapport à la drogue nous a amené à faire une critique du système éducatif actuel. Et c'est quelque chose quand même d'important qui doit être fait parce que notre société n'est pas en mesure adéquatement présentement d'accueillir les gens qui vivent notamment le processus de la fusion qui occasionne une descente d'une grande quantité d'énergie à travers eux. Ce qui fait en sorte que les gens qui vivent le contact avec l'esprit de l'extérieur peuvent, dans certains cas, être perçus comme ayant un trouble de déficit de l'attention. Ouais, mais c'est ça. C'est sûr que c'est pour une société qui fonctionne avec un mental polarisé. Lorsque quelqu'un fonctionne au niveau vibratoire, ben il y a un disconnect qui se fait par rapport à la compréhension. C'est sûr que la société qui fonctionne avec ou l'individu qui fonctionne avec un mental polarisé va avoir tendance à vouloir étiqueter toutes les différents traits d'une personne au lieu de la regarder dans son entier, dans sa globalité. Fait qu'il va toujours avoir des problématiques lorsque les gens vont de plus en plus intégrer l'énergie de leur esprit, parce que justement, ils vont sentir une certaine forme d'aliénation, une certaine forme de solitude, parce qu'ils ne pourront plus être en syntonicité vibratoire avec quelqu'un qui fonctionne encore avec l'intellect. Avec le temps, je pense que les personnes qui intègrent le principe de la conscience créative peuvent de plus en plus justement trouver un moyen de communiquer, et puis par la parole, justement, qui va être le plus grand outil de ces êtres-là. Ils vont apprendre à être capables de parler avec n'importe qui, puis de se faire entendre, puis d'être capables de canaliser une vibration, de canaliser leur vibration, mais sans en être victime. Dans le sens que, si moi, exemple, je veux communiquer avec quelqu'un qui fonctionne avec un mental polarisé, ça me requiert un petit peu plus de travail. Mais je suis capable de préserver mon identité, puis je suis pas obligé de me baisser en vibration au point où ce que je perds mon identité quand je communique avec cette personne-là. Oui, exactement. C'est sûr que par rapport à tout ça, il y aurait beaucoup de choses à aborder, ne serait-ce que par rapport au fait qu'à l'égard du trouble de déficit de l'attention, on va par exemple dire « Ah, la personne a tendance à tomber dans l'une », un état d'imaginaire. Mais vu autrement, la personne qui tombe dans l'une, c'est parce qu'elle a pu vivre une intériorisation puis communiquer avec son esprit à l'intérieur d'elle. Oui, exactement, mais je pense pas que pour ce que j'ai vu au niveau des jeunes aujourd'hui qui ont du déficit d'attention, je pense que c'est pas des enfants qui sont en fusion, c'est des enfants qui ont un contact ou peut-être avec une certaine partie d'eux-mêmes qui est plus vibratoire, mais qui vivent un grand débalancement, parce que vivre un contact, vivre des ouvertures de centre psychique, puis avoir aucune capacité de la concentrer ou de la canaliser, ça peut créer plus de débalancement puis de souffrance chez l'individu qu'autre chose. Oui, exactement. Puis après tout, la fusion, ça se vit pas nécessairement en bas âge. Des fois, c'est plus vers la trentaine. Et puis, étant donné que le temps file, là, c'est vrai, il va falloir compléter l'enregistrement. Bien sûr. Donc, c'est sûr que ça a été un plaisir très grand pour moi de discuter avec toi aujourd'hui. Et en terminant, j'aimerais que tu rappelles à nos auditeurs et auditrices tes coordonnées. Oui, bon, ben c'est ça. Si vous voulez me contacter parce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous voulez parler avec moi directement de ce sujet ou d'autres sujets, vous pouvez me contacter sur mon adresse courriel à opoulin. .pt@commercialgmail.com ou encore directement par mon site web www.olivier-poulain.com. Olivier-poulain.com, excusez-moi. Il n'y a aucun problème. De toute façon, en bas de l'enregistrement, là, je vais mettre tes coordonnées, dont notamment l'adresse de ta page YouTube, sur laquelle on peut te voir dans des vidéos exécuter des mouvements physiques. Oui, ben oui, c'est ça. Différentes formes d'exercices qui peuvent aider justement à intégrer son corps matériel avec plus d'équilibre, puis développer justement un certain équilibre là, entre le plan matériel puis le plan psychique. C'est excellent. Donc, à ce moment-là, c'est ce qui complète à présent. Donc, merci encore une fois. Merci à toi. Au revoir. Bye.